Section 1 de Essai sur les révolutions, suivi des études historiques par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Avertissement. Préface. Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leur rapport avec la Révolution française. Dédié à tous les partis. Experti in vincem, sumus ego, ac fortuna, Tacite. Avertissement pour l'édition de 1826. J'ai promis de réimprimer l'essai sans y changer un seul mot. À cet égard, j'ai poussé le scrupule si loin que je n'ai voulu ni corriger les fautes de langue, ni faire disparaître les hellénismes, latinismes et anglicismes qui fourmillent dans l'essai. On a demandé cet ouvrage, on l'aura, avec tous ses défauts. L'essai historique n'a jamais été publié par moi qu'une seule fois. Il fut imprimé à Londres en 1796 par Baylis et vendu chez De Boff en 1797. Le titre et l'épigraphe étaient exactement ce qu'il porte dans la présente édition. L'essai formait un seul volume de 681 pages, grand in octavo, sans compter la vie, la notice, la table des chapitres et les ratas. Mais comme je le faisais observer dans l'ancien avis, c'était réellement deux volumes réunis en un. J'ai été obligé de diviser en deux cette énorme production dans la présente édition, parce que, avec des notes critiques et la préface nouvelle, l'essai en un seul volume aurait dépassé 800 pages. Dans l'intérêt de mon amour-propre, j'aurais mieux aimé donner l'essai en un seul tome et subir à la fois ma sentence que me faire attacher deux fois au char de triomphe de ceux qui n'ont jamais failli. Mais je ne saurais trop souffrir pour avoir écrit l'essai. On a réimprimé cet ouvrage en Allemagne et en Angleterre. La contrefaçon anglaise n'est qu'un abrégé fait sans doute dans une intention bienveillante, puisqu'on a supprimé ce qu'il y a de plus blâmable dans l'essai. La contrefaçon allemande est calquée sur la contrefaçon anglaise. Ces omissions ne tournent jamais au profit d'un auteur. On pourrait dire, en faisant allusion à un passage de Tacite, qu'à ces funérailles d'un mauvais livre, les morceaux retranchés paraissent d'autant plus qu'on ne les y voit pas. L'essai complet n'existe donc que dans l'édition de Londres, faite par moi en 1797, et dans l'édition que je donne aujourd'hui, d'après cette première édition. Préface, édition de 1826. Voici l'ouvrage que, depuis longtemps, j'avais promis de réimprimer. Promesse que des âmes charitables avaient regardée comme un moyen de gagner du temps et d'imposer silence à mes ennemis, bien résolu que j'étais intérieurement, disait-on, de ne jamais tenir ma parole. Avant de porter un jugement sur l'essai, commençons par faire l'histoire de cet ouvrage. J'avais traversé l'Atlantique avec le dessein d'entreprendre un voyage dans l'intérieur du Canada pour découvrir, s'il était possible, le passage au nord-ouest du continent américain. Par le plus grand hasard, j'appris, au milieu de mes courses, la fuite de Louis XVI, l'arrestation de ce monarque à Varennes et la retraite au-delà de la Meuse, de la Moselle et du Rhin de presque tout le corps des officiers français d'infanterie et de cavalerie. Louis XVI n'était plus qu'un prisonnier entre les mains d'une faction. Le drapeau de la monarchie avait été transporté par les princes de l'autre côté de la frontière. Je n'approuvais point l'émigration en principe, mais je crus qu'il était de mon honneur d'en partager l'imprudence, puisque cette imprudence avait des dangers. Je pensais que, portant l'uniforme français, je ne devais pas me promener dans les forêts du Nouveau Monde quand mes camarades allaient se battre. J'abandonnai donc, quoiqu'à regret, mes projets, qui n'étaient pas eux-mêmes sans péril, je revins en France, j'émigrai avec mon frère, et je fis la campagne de 1792. Atteint dans la retraite de cette dysenterie qu'on appelait la maladie des Prussiens, une affreuse petite vérole vint compliquer mes maux. On me crut mort, on m'abandonna dans un fossé où, donnant encore quelques signes de vie, je fus secouru par la compassion des gens du prince de Ligne qui me jetèrent dans un fourgon. Ils me mirent à terre sous les remparts de Namur et je traversai la ville en me traînant sur les mains de porte en porte. Repris par d'autres fourgons, je retrouvai à Bruxelles mon frère qui rentrait en France pour monter sur l'échafaud. On osait à peine penser une blessure que j'avais à la cuisse à cause de la contagion de ma double maladie. Je voulais cependant, dans cet état, me rendre à Jersey, afin de rejoindre les royalistes de la Bretagne. Au prix d'un peu d'argent que j'empruntais, je me fis porter à Ostende. J'y rencontrai plusieurs Bretons, mes compatriotes, et mes compagnons d'armes, qui avaient formé le même projet que moi. Nous nous lisâmes une petite barque pour Jersey, et l'on nous entassa dans la cale de cette barque. Le gros temps, le défaut d'air et d'espace, le mouvement de la mer, achevèrent d'épuiser mes forces, le vent et la marée nous obligèrent de relâcher à Guernesey. Comme j'étais près d'expirer, on me descendit à terre et on m'assit contre un mur, le visage tourné vers le soleil pour rendre le dernier soupir. La femme d'un marinier vint à passer. Elle eut pitié de moi, elle appela son mari qui, aidé de 2 ou 3 autres matelots anglais, me transporta dans une maison de pêcheurs où je fus mis dans un bon lit. C'est vraisemblablement à cet acte de charité que je dois la vie. Le lendemain, on me rembarqua sur le sloop d'Ostende. Quand nous ancrâmes à Jersey, j'étais dans un complet délire, je fus recueilli par mon oncle maternel, le comte de Bédé, et je demeurai plusieurs mois entre la vie et la mort. Au printemps de 1793, me croyant assez fort pour reprendre les armes, je passai en Angleterre, où j'espérais trouver une direction des princes. Mais ma santé, au lieu de se rétablir, continua de décliner. Ma poitrine s'entreprit, je respirais avec peine. D'habiles médecins consultés me déclarèrent que je traînerais ainsi quelques mois, peut-être même 1 ou 2 années, mais que je devais renoncer à toute fatigue et ne pas compter sur une longue carrière. Que faire de ce temps de grâce qu'on m'accordait? Hors d'état de tenir l'épée pour le roi, je pris la plume. C'est donc sous le coup d'un arrêt de mort, et pour ainsi dire entre la sentence et l'exécution, que j'ai écrit l'essai historique. Ce n'était pas tout de connaître la borne rapprochée de ma vie. J'avais de plus à supporter la détresse de l'émigration. Je travaillais le jour à des traductions, mais ce travail ne suffisait pas à mon existence, et l'on peut voir dans la première préface d'Atala à quel point j'ai souffert même sous ce rapport. Ces sacrifices, au reste, portaient en eux leur récompense. J'accomplissais les devoirs de la fidélité envers mes princes. D'autant plus heureux dans l'accomplissement de ces devoirs que je ne me faisais aucune illusion, comme on le remarquera dans l'essai, sur les fautes du parti auquel je m'étais dévoué. Ces détails étaient nécessaires pour expliquer un passage de la notice placée à la tête de l'essai, et cet autre passage de l'essai même. Attaqué d'une maladie qui me laisse peu d'espoir, je vois les objets d'un œil tranquille. L'air calme de la tombe se fait sentir au voyageur qui n'en est plus qu'à quelques journées. J'étais encore obligé de raconter ces faits personnels pour qu'ils servissent d'examen au ton de misanthropie répandu dans l'essai. L'amertume de certaines réflexions n'étonnera plus. Un écrivain qui croyait toucher au terme de la vie et qui, dans le dénuement de son exil, n'avait pour table que la pierre de son tombeau, ne pouvait guère promener des regards riants sur le monde. Il faut lui pardonner de s'être abandonné quelquefois aux préjugés du malheur, car le malheur a ses injustices, comme le bonheur a sa dureté et ses ingratitudes. En se plaçant donc dans la position où j'étais lorsque je composais l'essai, un lecteur impartial me passera bien des choses. Cet ouvrage, si peu répandu en France, ne fut pas cependant tout à fait ignoré en Angleterre et en Allemagne. Il fut même question de le traduire dans ces deux pays, mais ces traductions commencées n'ont point paru. Le libraire de Boff, éditeur de l'essai en Angleterre, avait aussi résolu d'en donner une édition en France. Les circonstances du temps firent avorter ce projet. Quelques exemplaires de l'édition de Londres parvinrent à Paris. Je les avais adressés à messieurs de la Harpe, Ginguenet et de Salles, que j'avais connus avant mon émigration. Voici ce que m'écrivait à ce sujet un neveu du poète Lemierre. Paris, ce 13 juillet 1797. D'après vos instructions, j'ai fait remettre par M. Say, directeur de la Décade philosophique et littéraire, à M. Ginguenet, propriétaire lui-même de ce journal, la lettre et l'exemplaire qui lui étaient destinés. J'ai été moi-même chez M. de la Harpe. Il m'a parfaitement reçu, a été vivement affecté à la lecture de votre lettre, et m'a promis de rendre compte de l'ouvrage avec tout l'intérêt et toute l'attention dont l'auteur lui-même paraissait digne. Mais sur la demande que je lui ai faite d'une lettre pour vous, il m'a répondu que pour des raisons particulières, il ne pouvait écrire dans l'étranger. Monsieur de Salles a été enchanté de votre ouvrage. Il me charge de toutes ses civilités pour vous. Le républicain François n'a pas été moins satisfait du livre et il en a fait un éloge complet. Plusieurs gens de lettres ont dit que c'était un très bon supplément à l'Anacharsis. Enfin, à quelques critiques près qui tombent sur quelques citations peut-être oiseuses et sur un ou deux rapprochements qui ont paru forcés, votre essai a eu le plus grand succès. Malgré ce grand succès, dont on flattait ma vanité d'auteur, il est certain que si l'essai fut un moment connu en France, il fut presque aussitôt oublié. La mort de ma mère fixa mes opinions religieuses. Je commençais à écrire, en expiation de l'essai, le génie du christianisme. Rentré en France en 1800, je publiais ce dernier ouvrage, et je plaçais dans la préface la confession suivante « Mes sentiments religieux n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout en avouant la nécessité d'une religion et en admirant le christianisme, j'en ai cependant méconnu plusieurs rapports. Frappé des abus de quelques institutions et des vices de quelques hommes, je suis tombé jadis dans les déclamations et les sophismes. Je pourrais en rejeter la faute sur ma jeunesse, sur le délire des temps, sur les sociétés que je fréquentais, mais j'aime mieux me condamner, je ne sais point excuser ce qui n'est point excusable. Je dirai seulement les moyens dont la Providence est servie pour me rappeler à mes devoirs. Ma mère, après avoir été jetée à 72 ans dans des cachots où elle vit périr une partie de ses enfants, expira sur un grabat où ses malheurs l'avaient reléguée. Le souvenir de mes égarements répandit sur ses derniers jours une grande amertume. Elle chargea en mourant une de mes sœurs de me rappeler à cette religion dans laquelle j'avais été élevée. Ma sœur me manda les derniers vœux de ma mère. Quand la lettre me parvint au-delà des mers, ma sœur elle-même n'existait plus. Elle était morte aussi des suites de son emprisonnement. Ces deux voix sorties du tombeau, cette mort qui servait d'interprète à la mort, m'ont frappé. Je suis devenu chrétien. Je n'ai point cédé, j'en conviens, à de grandes lumières surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru. Ce n'était point là une histoire inventée pour me mettre à l'abri du reproche de variation, quand l'essai parviendrait à la connaissance du public. J'ai conservé la lettre de ma sœur. Madame de Farcy, après avoir été connue à Paris par son talent pour la poésie, avait renoncé aux muses. Devenue une véritable sainte, ses austérités l'ont conduite au tombeau. J'en puis parler ainsi, car le philanthrope abbé Caron a écrit et publié la vie de ma sœur. Voici ce qu'elle me mandait dans la lettre que la préface du génie du christianisme a mentionnée. Saint-Servant, 1er juillet 1798. Mon ami, nous venons de perdre la meilleure des mères. Je t'annonce à regret ce coup funeste. Ici, quelques détails de famille. Quand tu cesseras d'être l'objet de nos sollicitudes, nous aurons cessé de vivre. Si tu savois combien de pleurs tes erreurs ont fait répandre à notre respectable mère, combien elles paraissent déplorables à tout ce qui pense et fait profession non seulement de piété, mais de raison, si tu le savais, peut-être cela contribuerait-il à t'ouvrir les yeux, à te faire renoncer à écrire. Et si le ciel touché de nos vœux permettait notre réunion, tu trouverais au milieu de nous tout le bonheur qu'on peut goûter sur la terre. Tu nous donnerais ce bonheur, car il n'en est point pour nous tandis que tu nous manques, et que nous avons lieu d'être inquiètes de ton sort. Voilà la lettre qui me ramena à la fois par la piété filiale. Tout alla bien pendant quelques années. Mon second ouvrage avait réussi au-delà de mes espérances. N'ayant jamais manqué de sincérité, n'ayant jamais parlé que d'après ma conscience, n'ayant jamais raconté de moi que des choses vraies, je me croyais en sûreté par les aveux mêmes de la préface du génie du christianisme, et l'essai était également oublié de moi et du public. Mais Buonaparte, qui s'était brouillé avec la cour de Rome, ne favorisait plus les idées religieuses. Le génie du christianisme avait fait trop de bruit, commençait à l'importuner. L'affaire de l'Institut survint, une querelle littéraire s'alluma, et l'on déterra l'essai. La police de ce temps-là fut charmée de la découverte, et comme elle n'était pas arrivée à la perfection de la police de ce temps-ci, comme elle se piquait sottement d'une espèce d'impartialité, elle permit à des gens de lettres de me prêter leur secours. Toutefois, elle ne voulait pas, comme je le dirai à l'instant, que ma défense se changeât en triomphe, ce qui était bien naturel de sa part. Je ne nommerai point l'adversaire qui me jeta le gant le premier, parce qu'au moment de la Restauration, lorsqu'on exhuma de nouveau l'essai, il me prévint loyalement des libelles qui allaient paraître, afin que j'avisasse au moyen de les faire supprimer. N'ayant rien à cacher et ami sincère de la liberté de la presse, je ne fis aucune démarche. Je trouvais très bon qu'on écrivît contre moi tout ce qu'on croyait devoir écrire. Un jeune homme, appelé Damas de Raymond, qui fut tué en duel quelque temps après, se fit mon champion sous l'Empire et la censure laissa paraître son écrit. Mais le gouvernement fut moins facile quand, pour toute réponse à des extraits de l'essai, je lui demandai la permission de réimprimer l'ouvrage entier. Voici ma lettre au général baron de Pomerol, conseiller d'État, directeur général de l'imprimerie et de la librairie. Monsieur le baron, on s'est permis de publier des morceaux d'un ouvrage dont je suis l'auteur. Je juge d'après cela que vous ne verrez aucun inconvénient à laisser paraître l'ouvrage tout entier. Je vous demande donc, monsieur le baron, l'autorisation nécessaire pour mettre sous presse, chez le Normand, mon ouvrage intitulé « Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, considéré dans le rapport avec la Révolution française ». Je n'y changerai pas un seul mot, j'y ajouterai pour toute préface celle du génie du christianisme, j'ai l'honneur d'être, etc. Paris, ce 17 novembre 1812. Dès le lendemain, M. de Pomerol me répondit la lettre suivante, écrite tout entière de sa main. En ce temps d'usurpation, on se piquait de politesse, même avec un homme en disgrâce, même avec un émigré. M. de Pomerol refuse la permission que je lui demande, mais comparez le ton de sa lettre avec celui des lettres qui sortent aujourd'hui des bureaux d'un directeur général ou même d'un ministre. Paris, ce 18 novembre 1812. À M. de Chateaubriand. Je mettrai mardi prochain, monsieur, votre demande sous les yeux du ministre de l'Intérieur. Mais votre ouvrage, fait en 1797, est bien peu convenable au temps présent. Et s'il devait paraître aujourd'hui pour la première fois, je doute que ce pût être avec l'assentiment de l'autorité. On vous attaque sur cette production. Nous ne ressemblons point aux journalistes qui admettent l'attaque et repoussent la défense. Et la vôtre ne trouvera pour paraître aucun obstacle à la direction de la librairie. J'aurai soin, monsieur, de vous informer de la décision du ministre sur votre demande de réimpression. Agréez, je vous prie, monsieur, la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc. Signé, baron de Pomerol. Le 24 novembre, je reçus de monsieur de Pomerol cette autre lettre. Paris, le 24 novembre 1812. À monsieur de Chateaubriand. J'ai mis aujourd'hui, monsieur, sous les yeux du ministre de l'Intérieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 17 du courant et la réponse que je vous ai faite le 18. Son Excellence a décidé que l'ouvrage que vous demandez à réimprimer, puisqu'il n'a point été publié en France, doit être assujetti aux formalités prescrites par les décrets impériaux concernant la librairie. En conséquence, monsieur, vous devez, vous ou votre imprimeur, faire à la Direction générale de l'imprimerie la déclaration de vouloir l'imprimer, et y déposer en même temps l'édition dont vous demandez la réimpression afin qu'elle puisse passer à la censure. Agréé, monsieur, etc. Signé, baron de Pomerol. Monsieur de Pomerol reconnaît, dans sa première lettre, que mon ouvrage, fait en 1797, est bien peu convenable au temps présent, l'Empire, et que s'il devait paraître aujourd'hui, sous Buonaparte, pour la première fois, il doute que ce pût être avec l'assentiment de l'autorité. Quelle justification de l'essai ! Dans sa seconde lettre, monsieur le directeur de la librairie m'ordonne de me soumettre à la censure, si je veux réimprimer mon ouvrage. Il était clair que la censure m'aurait enlevé ce que je disais en éloge de Louis XVI, des Bourbons, de la vieille monarchie et toutes mes réclamations en faveur de la liberté. Il était clair que l'essai, ainsi dépouillé de ce qui servait de contrepoids à ses erreurs, se serait réduit à un extrait à peu près semblable à ceux dont je me plaignais. Force était donc à moi de renoncer à le réimprimer, puisqu'il aurait fallu le livrer aux mutilations de la censure. Après tout, le gouvernement impérial avait grandement raison. L'essai n'était ni sous le rapport des libertés publiques, ni sous celui de la monarchie légitime, un livre qu'on pût publier sous le despotisme et l'usurpation. La police se donnait un air d'impartialité en laissant dire quelque chose en ma faveur et riait secrètement de m'empêcher de faire la seule chose qui pût réellement me défendre. Enfin, le roi fut rendu à ses peuples. Je parus jouir d'abord de la faveur que l'on croit mal à propos devoir suivre des services qui souvent ne méritent pas la peine qu'on y pense. Mais enfin, en proclamant le retour de la légitimité, j'avais contribué à entraîner l'opinion publique. Par conséquent, j'avais choqué des passions et blessé des intérêts. Je devais donc avoir des ennemis. Pour m'enlever l'influence qu'on craignait de me voir prendre sur un gouvernement religieux, on crut expédient de réchauffer la vieille querelle de l'essai. On annonça avec bruit un Chateaubriantana, une brochure du sacerdoce, etc. C'était toujours des compilations de l'essai. Il y avait dans ces nouvelles poursuites quelque chose qui n'était guère plus généreux que dans les premières. J'étais en disgrâce sous le roi, comme je l'étais sous Buonaparte, au moment où ces courageux critiques se déchaînaient contre moi. Pourquoi m'ont-ils laissé tranquille lorsque j'étais ministre? C'était là une belle occasion de montrer leur indépendance. Je n'ai répondu à ces personnes bienveillantes que par cette note de la préface de mes mélanges de politique. Si je n'ai jamais varié dans mes principes politiques, je n'ai pas toujours embrassé le christianisme dans tous ses rapports d'une manière aussi complète que je le fais aujourd'hui. Dans ma première jeunesse, à une époque où la génération était nourrie de la lecture de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, je me suis cru un petit philosophe, et j'ai fait un mauvais livre. Ce livre, je l'ai condamné aussi durement que personne dans la préface du Génie du christianisme. Il est bizarre qu'on ait voulu me faire un crime d'avoir été un esprit fort à 20 ans et un chrétien à 40. N'a-t-on jamais reproché à un homme de s'être corrigé? L'écrivain vraiment coupable est celui qui, ayant bien commencé, finit mal, et non pas celui qui, ayant mal commencé, finit bien. Quoi qu'il en soit, si je pouvais anéantir l'essai historique, je le ferais, parce qu'il renferme, sous le rapport de la religion, des pages qui peuvent blesser quelques points de discipline. Mais puisque je ne puis l'anéantir, puisqu'on en extrait tous les jours un peu de poison, sans donner le contrepoison qui se trouve à grande dose dans le même ouvrage, puisqu'on l'a réimprimé par fragments, je suis bien aise d'annoncer à mes ennemis que je vais le faire réimprimer tout entier. Je n'y changerai pas un mot, j'ajouterai seulement des notes en marge. Je prédis à ceux qui ont voulu transformer l'essai historique en quelque chose d'épouvantable qu'ils seront très fâchés de cette publication. Elle sera tout entière en ma faveur, car je n'attache de véritable importance qu'à mon caractère. Mon amour-propre seul en souffrira. Littérairement parlant, ce livre est détestable et parfaitement ridicule. C'est un chaos où se rencontrent les Jacobins et les Spartiates, la Marseillaise et les chants de Tyrté, un voyage aux Açores et le périple d'Annon, l'éloge de Jésus-Christ et la critique des moines, les vers dorés de Pythagore et les fables de Monsieur de Nivernois, Louis XVI, Agis, Charles Ier, des promenades solitaires, des vues de la nature, du malheur, de la mélancolie, du suicide, de la politique, un petit commencement d'Atala, Robespierre, la Convention et des discussions sur Zénon, Épicure et Aristote. Le tout en style sauvage et boursouflé, plein de fautes de langue, d'idiotismes étrangers et de barbarisme. Mais on y trouvera aussi un jeune homme exalté plutôt qu'abattu par le malheur, et dont le cœur est tout à son roi, à l'honneur et à la patrie. C'est cet engagement solennel de publier moi-même l'essai que je viens remplir aujourd'hui. Telle est l'histoire complète de cet ouvrage, de son origine, de la position où j'étais en l'écrivant et des tracasseries qu'il m'a suscitées. Il faut maintenant examiner l'ouvrage en lui-même et les critiques de mes Aristarques. Qu'ai-je prétendu prouver dans l'essai? Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et qu'on retrouve dans les révolutions anciennes et modernes les personnages et les principaux traits de la Révolution française. On sent combien cette idée poussée trop loin a dû produire de rapprochements forcés, ridicules ou bizarres. Je commençais à écrire l'essai en 1794, et il parut en 1797. Souvent, il fallait effacer la nuit le tableau que j'avais esquissé le jour, les événements couraient plus vite que ma plume. Il survenait une révolution qui mettait toutes mes comparaisons en défaut. J'écrivais sur un vaisseau pendant une tempête et je prétendais peindre comme des objets fixes les rives fugitives qui passaient et s'abîmaient le long du bord. Jeune et malheureux, mes opinions n'étaient arrêtées sur rien. Je ne savais que penser en littérature, en philosophie, en morale, en religion. Je n'étais décidé qu'en matière politique. Sur ce seul point, je n'ai jamais varié. L'éducation chrétienne que j'avais reçue avait laissé des traces profondes dans mon cœur, mais ma tête était troublée par les livres que j'avais lus, les sociétés que j'avais fréquentées. Je ressemblais à presque tous les hommes de cette époque, j'étais né de mon siècle. Si l'on m'a trouvé une imagination vive dans un âge plus mûr, qu'on juge de ce qu'elle devait être dans ma première jeunesse, lorsque, demi-sauvage, sans patrie, sans famille, sans fortune, sans amis, je ne connaissais la société que par les mots dont elle m'avait frappé. Avant d'imprimer des extraits de l'essai, on colporta l'ouvrage entier mystérieusement en répandant des bruits étranges. Pourquoi se donnait-on tant de peine ? Loin d'enfouir l'essai, je l'exposais au grand jour et je le prêtais à quiconque le voulait lire. On prétendait que j'en rachetais partout les exemplaires au plus haut prix. Et où aurais-je trouvé les trésors que ces rachats m'auraient supposés ? J'avais voulu réimprimer l'essai sous Bonaparte, comme on vient de le voir. Je n'en faisais donc pas un secret. Quoi qu'il en soit, les mains officieuses qui firent d'abord circuler l'essai historique perdirent leur travail. On s'aperçut que l'ouvrage, lu de suite, produisait un effet contraire à celui qu'on en espérait. Il fallut en venir au parti moins loyal mais plus sûr de ne le donner que par lambeau, c'est-à-dire d'en montrer le mal et d'en cacher le bien. On résolut d'ouvrir l'attaque du côté religieux, d'opposer quelques pages de l'essai à quelques pages du génie du christianisme, mais une chose déconcertait ce plan. C'était la préface du dernier ouvrage. Que pouvait-on opposer à un homme qui s'était condamné lui-même avec tant de franchise ? Arrêté par cette préface, il vint alors en pensée de détruire l'autorité de mes aveux au moyen d'une calomnie. On sema le bruit que ma mère était morte avant la publication de l'essai et qu'ainsi la préface du génie du christianisme reposait sur une fable. Ceux qui disaient ces choses étaient-ils mes amis, mes proches ? Avaient-ils vécu avec moi à Londres, reçu mes lettres, pénétré mes secrets ? Pouvaient-ils, par leur témoignage, déterminer l'instant où j'avais répandu des pleurs ? S'ils étaient étrangers à toute ma vie, s'ils avaient ignoré mon existence jusqu'au jour où le public la leur avait révélée, s'ils étaient en France lorsque je languissais dans la terre de l'exil, comment osaient-ils fonder une lâche accusation sur un fait qu'ils ne pouvaient ni savoir ni prouver ? Oh ! Loin de moi la pensée que des hommes qui prétendaient fixer l'époque de mes malheurs avaient des raisons particulières de la connaître. J'ai cité le texte même de la lettre de ma sœur que j'ai entre les mains. Cette lettre est du 1er juillet 1798. Voici un autre document dont on ne niera pas l'authenticité. Extrait du registre des décès de la ville de Saint-Servan, premier arrondissement du département d'Ille-et-Vilaine, pour l'an 6 de la République, folio 35, recto, où est écrit ce qui suit. Le 12 Prairial en 6 de la République française. Devant moi, Jacques Bourdas, officier municipal de la commune de Saint-Servan, élu officier public le 4 Floréal dernier. Sont comparus Jean Ballet, jardinier, et Joseph Boulin, journalier, majeur d'âge, et demeurant séparément en cette commune, lesquels m'ont déclaré que Apolline Jeanne Suzanne de Bédé, née en la commune de Bourseuil le 7 avril 1726, fille de feu Ange Hannibal de Bédé et de Bénigne Jeanne Marie de Ravenel, veuve de René-Auguste de Chateaubriand, est décédée au domicile de la citoyenne Gouillon, située à la Balue, en cette commune, en jour, à 1 heure après-midi. D'après cette déclaration, dont je me suis assurée de la vérité, j'ai rédigé le présent acte que Jean Ballet a seul signé avec moi, Joseph Boulin ayant déclaré ne le savoir faire de ceux interpellés. Fait en la maison commune, les 10 jours et ans. Signé Jean Ballet et Bourdas. Certifié conforme au registre par nous, maire de Saint-Servan, ce 31 octobre 1812. Signé Trévaux Reslet, adjoint. Vu pour légalisation de la signature du sieur Trévaux Reslet, adjoint, par nous, juge du tribunal civil séant à Saint-Malo, le président empêché. À Saint-Malo, le 31 octobre 1812. Signé Robillon. La date de la mort de Madame de Chateaubriand est du 12 Prairial en 6 de la République, c'est-à-dire du 31 mai 1798. La publication de l'essai est des premiers mois de 1797. Elle avait dû même avoir lieu plus tôt. Quelle critique que celle qui force un honnête homme à entrer dans de pareils détails, qui oblige un fils à produire l'extrait mortuaire de sa mère. Battu par les faits, repoussé par les dates, on n'eut plus que la ressource banale de tronquer des passages pour dénaturer un texte. C'était avec des brochures d'une quarantaine de pages que l'on prétendait faire connaître un livre de près de 700 pages, grand in octavo. Des fragments qui ne tenaient à rien de ce qui les précédait ou de ce qui les suivait dans le corps de l'ouvrage, pouvaient-ils donner une idée juste de cet ouvrage ? On transcrivait quelques phrases hasardées sur le culte, mais on ne disait pas que dans un chapitre adressé aux infortunés, on trouvait cet éloge de l'Évangile. Un livre vraiment utile aux misérables, parce qu'on y trouve la pitié, la tolérance, la douce indulgence, l'espérance plus douce encore, qui compose le seul baume des blessures de l'âme, ce sont les Évangiles. Leur divin auteur ne s'arrête point à prêcher vainement les infortunés. Il fait plus, il bénit leurs larmes et boit avec eux le calice jusqu'à la lie. Cela, ce me semble, n'était pourtant pas trop incrédule. Encore un passage de ce livre qui scandalisait si fort ces chrétiens de circonstance, lesquels ne croient peut-être pas en Dieu, et ces hypocrites qui font de la haine, de l'or et des places avec la charité, la pauvreté et l'humilité de la religion, si la morale la plus pure et le cœur le plus tendre, si une vie passée à combattre l'erreur et à soulager les maux des hommes sont les attributs de la divinité, qui peut nier celle de Jésus-Christ ? Modèle de toutes les vertus, l'amitié le voit endormi dans le sein de Jean, ou léguant sa mère à ce disciple chéri. La tolérance l'admire avec attendrissement dans le jugement de la femme adultère. Partout la pitié le trouve bénissant les pleurs de l'infortuné. Dans son amour pour les enfants, son innocence et sa candeur se décèlent. La force de son âme brille au milieu des tourments de la croix, et son dernier soupir dans les angoisses de la mort est un soupir de miséricorde. Essai historique, page 578 de l'édition de Londres. Quoi ? C'est là ce que je disais quand je n'étais pas chrétien ? Cet essai doit être un livre bien étrange. Il ne sera pas inutile de faire remarquer que j'ai transporté ce portrait de Jésus-Christ dans le génie du christianisme, ainsi que quelques autres chapitres de l'essai, et qu'ils n'y forment aucune disparate. Telle phrase en figurique pouvait faire croire que dans l'essai, l'existence de Dieu est mise en doute. On la saisissait, mais on taisait le chapitre sur l'histoire du polythéisme, qui commence ainsi. Il est un Dieu, les herbes de la vallée et les cèdres du Liban le bénissent, etc. L'homme seul a dit « il n'y a point de Dieu ». Il n'a donc jamais celui-là, dans ses infortunes, levé les yeux vers le ciel, etc. Je rassemble ailleurs, dans l'essai, les objections que l'on a faites, en tout temps, contre le christianisme. On croit que je vais conclure comme les esprits forts, et tout à coup on lit ce passage. Moi qui suis très peu versé dans ces matières, je répéterai seulement aux incrédules, en ne me servant que de ma faible raison, ce que je leur ai déjà dit. Vous renversez la religion de votre pays, vous plongez le peuple dans l'impiété, et vous ne proposez aucun autre palladium de la morale. Cessez cette cruelle philosophie. Ne ravissez point à l'infortuné sa dernière espérance. Qu'importe qu'elle soit une illusion, si cette illusion le soulage d'une partie du fardeau de l'existence, si elle veille dans les longues nuits à son chevet solitaire et trempé de larmes, si enfin elle lui rend le dernier service de l'amitié en fermant elle-même sa paupière, lorsque seul et abandonné sur la couche du misérable, il s'évanouit dans la mort. Essai, page 621, même édition. Retranchez ce paragraphe et donnez le chapitre sans sa conclusion. Je serai un véritable philosophe. Imprimez ces dernières lignes, il faudra reconnaître ici l'auteur futur du génie du christianisme, l'esprit incertain qui n'attend qu'une leçon pour revenir à la vérité. En lisant attentivement l'essai, on sent partout que la nature religieuse est au fond et que l'incrédulité n'est qu'à la surface. Au reste, cet ouvrage est un véritable chaos, chaque mot y contredit le mot qui le suit. On pourrait faire de l'essai deux analyses différentes. On prouverait par l'une que je suis un sceptique décidé, un disciple de Zénon et d'Épicure. Par l'autre, on me ferait connaître comme un chrétien bigot, un esprit superstitieux, un ennemi de la raison et des lumières. On trouve dans cette rêverie de jeune homme une profonde vénération pour Jésus-Christ et pour l'Évangile. L'éloge des évêques, des curés et des déclamations contre la cour de Rome et contre les moines. On y rencontre des passages qui sembleraient favoriser toutes les extravagances de l'esprit humain, le suicide, le matérialisme, l'anarchie. Et tout auprès de ces passages, on lit des chapitres entiers sur l'existence de Dieu, la beauté de l'ordre, l'excellence des principes monarchiques. C'est le combat d'Oromas et d'Ahriman. Les larmes maternelles et l'autorité de la raison croissante ont décidé la victoire en faveur du bon génie. La position de ceux qui m'attaquaient sous l'Empire était extrêmement fausse. Que me reprochaient-ils ? Des principes qui étaient les leurs. Ils ne s'apercevaient pas qu'ils faisaient mon éloge en essayant de me calomnier. Car s'il était vrai que l'essai renferma les opinions dont on prétendait me faire un crime, que prouvaient-elles ces opinions ? Que j'avais conservé dans toutes les positions de ma vie une indépendance honorable. Que moi-même, banni et persécuté, j'avais prêché la monarchie modérée à des gentilshommes bannis et la tolérance à des prêtres persécutés. Que j'avais dit à tous la vérité. Que partageant les souffrances sans partager entièrement les opinions de mes compagnons d'infortune, j'avais eu le courage assez rare de leur déclarer que nous avions donné quelque prétexte à nos malheurs. Ces principes, en contradiction avec le parti même que j'avais embrassé, prouvaient que j'étais le martyr de l'honneur plutôt que l'aveugle soldat d'une cause dont je connaissais le côté faible. Que je m'étais battu comme Falcande dans les camps de Charles Ier, bien que je n'eusse pas été aussi heureux que lui. Ces principes prouvaient encore que ces bannis, que l'on représentait comme de vils esclaves attachés à la tyrannie par amour de leurs privilèges, étaient pourtant des hommes qui reconnaissaient ce qu'il peut y avoir de noble dans toutes les opinions, qui ne rejetaient aucune idée généreuse, qui ne condamnaient dans la liberté que l'anarchie, qui confessaient loyalement leurs propres erreurs en sachant supporter leurs infortunes, qui, éclairés sur les abus de l'ancien gouvernement, n'en servaient pas moins leur souverain au péril de leur vie, et qui participaient enfin aux lumières de leur siècle sans manquer à leur devoir de sujet. Ne pouvais-je pas encore dire à mes adversaires du temps de l'Empire « Ou les principes philosophiques que vous me reprochez sont dans l'essai, ou ils n'y sont pas. S'ils n'y sont pas, vous parlez contre la vérité. S'ils y sont, ces principes sont les vôtres. J'étais le disciple de vos erreurs. Mes égarements sont de vous. » Mon retour à la vérité est de moi. On a supposé des motifs d'intérêt à mes opinions. J'aurais dans ce cas été bien mal habile, car j'allais toujours enseignant des doctrines contraires à celles qui menaient à la faveur dans les lieux que j'habitais. Dans l'étranger, je n'avais de l'émigration pour la cause de la monarchie que l'exil et tous les genres de misère, m'obstinant à parler des fautes qui avaient contribué à la chute du trône et prenant les libertés publiques. Dans ma patrie, lorsque j'y revins, je trouvai les temples détruits, la religion persécutée, la puissance et les honneurs du côté de la philosophie. Aussitôt je me range du côté du faible et j'arbore l'étendard religieux. Si je faisais tout cela dans des vues intéressées, ma méprise était grossière. Quoi de plus insensé que de dire, dans deux positions contraires, précisément ce qui devait choquer les hommes dont je pouvais attendre la fortune ? J'avais annoncé dans ce que j'appelais, je ne sais pourquoi, la notice, au lieu de la préface de l'essai, l'espèce de persécution que me susciterait cet ouvrage. Que ce livre m'attire beaucoup d'ennemis, dis-je dans cette notice, j'en suis convaincu. Si je l'avais cru dangereux, je l'eusse supprimé. Je le crois utile, je le publie. Renonçant à tous les partis, je ne me suis attaché qu'à celui de la vérité. L'ai-je trouvé ? Je n'ai pas l'orgueil de le prétendre. Tout ce que j'ai pu faire a été de marcher en tremblant, de me tenir sans cesse en garde contre moi-même, de ne jamais énoncer une opinion sans avoir auparavant descendu dans mon propre sein pour y découvrir le sentiment qui me l'avait dicté. J'ai tâché d'opposer philosophie à philosophie, raison à raison, principe à principe. Ou plutôt, je n'ai rien fait de tout cela. J'ai seulement exposé les doutes d'un honnête homme. Cette prophétie d'un honnête homme date de 30 ans. Enfin, d'autres censeurs de l'essai voulaient bien me croire dégagé de tout intérêt matériel, mais ils m'accusaient de chercher le bruit. Si, dans l'espoir d'immortaliser mon nom, j'avais embrassé la cause du crime et défendu des pervers, je me reconnaîtrais épris d'une coupable renommée. Mais si, au contraire, j'ai combattu en faveur des sentiments généreux partout où j'ai cru les apercevoir, si j'ai parlé avec enthousiasme de tout ce qui me paraît beau et touchant sur la terre, la religion, la vertu, l'honneur, la liberté, l'infortune, il faudra convenir que ma passion supposée pour la célébrité sort du moins d'un principe excusable. On pourra me plaindre, il sera difficile de me condamner. D'ailleurs, ne suis-je pas français ? Quand j'aimerais un peu la gloire, ne pourrais-je pas dire à mes compatriotes, qui de vous me jettera la première pierre ? Ainsi donc, sous les rapports religieux, l'essai paraîtra beaucoup moins condamnable qu'on ne l'a supposé, et sous les rapports politiques, il sera tout en ma faveur. Loin de prêcher le républicanisme, comme d'officieux censeurs l'ont voulu faire entendre, l'essai cherche à démontrer au contraire que dans l'état des mœurs du siècle, la République est impossible. Malheureusement, je n'ai plus la même conviction. J'ai toujours raisonné dans l'essai d'après le système de la liberté républicaine des anciens. De la liberté, fille des mœurs. Je n'avais pas assez réfléchi sur cette autre espèce de liberté, produite par les Lumières et la civilisation perfectionnée. La découverte de la République représentative a changé toute la question. Chez les anciens, l'esprit humain était jeune, bien que les nations fussent déjà vieilles. La société était dans l'enfance, bien que l'homme fût déjà courbé par le temps. C'est faute d'avoir fait cette distinction que l'on a voulu, mal à propos, juger les peuples modernes d'après les peuples anciens, que l'on a confondu deux sociétés essentiellement différentes, que l'on a raisonné dans un ordre de choses tout nouveau d'après des vérités historiques qui n'étaient plus applicables. La monarchie représentative est mille fois préférable à la république représentative. Elle en a tous les avantages sans en avoir les inconvénients. Mais si l'on était assez insensé pour croire qu'on peut renverser cette monarchie et retourner à la monarchie absolue, on tomberait dans la république représentative, quel que soit l'état actuel des mœurs. Ces mœurs sont d'ailleurs loin d'être aussi corrompues qu'elles l'étaient au commencement de la Révolution. Les scandales domestiques sont aujourd'hui presque inconnus, la France est devenue plus sérieuse et la jeunesse même a quelque chose d'austère. Les personnages historiques sont en général jugés impartialement dans l'essai. Il y a pourtant quelques hommes que j'ai traités avec trop de rigueur. Je les prie de pardonner à ces opinions sans autorité, nées du malheur et de l'inexpérience. La jeunesse est tranchante et présomptueuse. Ses arrêts sont presque toujours sévères. En vieillissant, on apprend à excuser dans les autres les choses dont on s'est soi-même rendu coupable. On ne transforme plus les faiblesses en crimes. Et l'on aime moins à compter les fautes que les vertus. C'est surtout pour ces jugements irréfléchis que je regrette de n'avoir pu corriger l'essai. Mais je me suis trouvé dans la dure nécessité de reproduire mes erreurs et de me montrer au public avec toutes mes infirmités. Je sais parfaitement que cette préface et les notes critiques de l'essai ne changeront point l'opinion de la génération présente. Ceux qui aiment l'essai tel qu'il est seront peut-être contrariés par les notes. Ceux qui trouvent l'ouvrage mauvais ne seront point désarmés. Ces derniers regarderont mes aveux comme non avenus et reproduiront leurs accusations avec une bonne foi digne de leur charité. Au fond, ces prétendus chrétiens ne disent pas ce qui leur déplaît. Ne croyez pas que ce soit le philosophisme de l'essai qui les blesse. Ce qu'ils ne peuvent me pardonner, c'est l'amour de la liberté qui respire dans cet ouvrage. Sous ce rapport, les notes ne feront qu'aggraver mes torts. Loin d'être entré dans le giron de l'absolutisme, je me suis endurci dans ma faute constitutionnelle. Qu'importe alors que je me sois amendé comme chrétien ? Soyez athée, mais prêchez l'arbitraire, la police, la censure, la sage indépendance de l'antichambre, les charmes de la domesticité, l'humiliation de la patrie, le goût du petit, l'admiration du médiocre. Tous vos péchés vous seront remis. Aussi, en écrivant les notes, je n'ai point espéré réformer le sentiment de mes compatriotes. Mais la postérité viendra, et si j'existe pour elle, elle prononcera avec impartialité sur le livre et sur le commentaire. J'ose espérer qu'elle jugera l'essai comme ma tête grise l'a jugé, car, en avançant dans la vie, on prend naturellement de l'équité de cet avenir dont on approche. Cependant, des personnes prétendent qu'il ne serait pas impossible que l'essai fût reçu du public avec une faveur à laquelle je ne devrais pas m'attendre. J'avoue que les raisons présumées de cette faveur, si elle a lieu, m'attristent autant qu'elles m'effraient. Il me paraît certain à moi-même que si je publiais le génie du christianisme aujourd'hui, pour la première fois, il n'obtiendrait pas le succès populaire qu'il obtint au commencement de ce siècle. Il est certain encore que si j'avais donné en 1801 l'essai historique au lieu du génie du christianisme, il eût été reçu avec un murmure d'improbation générale. Comment se fait-il maintenant que ce même essai soit plus près des idées du jour sous la légitimité qu'il ne l'eût été sous l'usurpation? Et comment arrive-t-il que le génie du christianisme est moins dans l'esprit de ce moment qu'il ne l'était à l'époque où je l'ai fait paraître? Quelles causes menaçantes ont pu produire dans l'opinion un effet si contraire à l'ordre naturel des temps et des événements? Par quelle fatalité l'essai serait-il devenu le livre du présent et le génie du christianisme, le livre du passé? Les oppresseurs et les opprimés auraient-ils changé de place? Quelles fautes ont été commises? Quelle route de perdition a-t-on suivi pour arriver à un pareil résultat? Se serait-on trompé sur les moyens de rendre à la religion son éclat et sa véritable puissance? Aurait-on cru que cette religion éclairée et généreuse ne pouvait prospérer que par l'extinction des lumières et la destruction des libertés publiques? Serait-on parvenu à inquiéter les hommes les plus paisibles, les esprits les plus calmes, les plus modérés, en nous menaçant d'un retour à des choses impossibles, en livrant le pouvoir à une petite coterie hypocrite qui amènerait une seconde fois et pour toujours la ruine du trône et de l'autel? Qu'on y prenne garde. S'il y a encore une cause de destruction pour la monarchie, elle se trouve là où je l'indique. Ce n'est pas avec des doctrines de calomnie et d'intolérance que la religion trouvera des hommes capables de la défendre. De faibles mains, qui ne sentent pas même le poids du fardeau qu'elles ont à soulever, le laissent à terre sans pouvoir le déranger d'une seule ligne. Où sont les talents qui jadis venaient au secours des principes religieux et monarchiques quand ils étaient attaqués? Repoussés, ils se retirent et laissent le combat à l'intrigue et à l'incapacité. La France voulait l'union dans la religion, la monarchie légitime, les libertés publiques, et l'on sait plus à la désunir, à l'alarmer sur les objets de ses vœux. Le discrédit total du pouvoir administratif, la lassitude de tout, le mépris ou l'indifférence de l'opinion sur les choses les plus graves, voilà ce qui reste aujourd'hui de tant d'espérance. Derrière nous, une jeunesse ardente attend ce que nous lui laisserons pour le modifier ou le briser selon sa force, car elle ne continuera pas nos destinées. Dans cette position, tout homme sage doit songer à lui. Il doit se séparer de ce qui nous perd pour trouver un abri au moment de l'orage. C'est une triste chose que d'en être aux professions de foi, aux controverses religieuses, à ces querelles déplorables que l'on n'aurait jamais dû tirer de l'oubli. Mais enfin, puisqu'on nous a menés là, il faut prendre son parti. Placé entre l'essai et le génie du christianisme, pour éviter toute fausse interprétation, je dois dire à quelle limite je me suis arrêté, afin qu'on ne me cherche ni en dedans ni en dehors de ces limites. Cette confession publique aura du moins l'avantage de montrer ce qui me paraissait utile à faire pour le triomphe de la religion sous le règne du Fils de Saint Louis. Je crois très sincèrement. J'irai demain pour ma foi d'un pas ferme à l'échafaud. Je ne dément pas une syllabe de ce que j'ai écrit dans le génie du christianisme. Jamais un mot n'échappera à ma bouche, une ligne à ma plume, qui soit en opposition avec les opinions religieuses que j'ai professées depuis 25 ans. Voilà ce que je suis, voilà ce que je ne suis pas. Je ne suis point chrétien par patente de trafiquant en religion, mon brevet n'est que mon extrait de baptême. J'appartiens à la communion générale, naturelle et publique, de tous les hommes qui, depuis la création, se sont entendus d'un bout de la terre à l'autre pour prier Dieu. Je ne fais point métier et marchandise de mes opinions. Indépendant de tout, fort de Dieu, je suis chrétien sans ignorer mes faiblesses, sans me donner pour modèle, sans être persécuteur, inquisiteur, délateur, sans espionner mes frères, sans calomnier mes voisins. Je ne suis point un incrédule déguisé en chrétien qui propose la religion comme un frein utile au peuple. Je n'explique point l'évangile au profit du despotisme, mais au profit du malheur. Si je n'étais pas chrétien, je ne me donnerais pas la peine de le paraître. Toute contrainte me pèse, tout masque m'étouffe. À la seconde phrase, mon caractère l'emporterait et je me trahirais. J'attache trop peu d'importance à la vie pour m'ennuyer à la parée d'un mensonge. Se conformer en tout à l'esprit d'élévation et de douceur de l'Évangile, marcher avec le temps, soutenir la liberté par l'autorité de la religion, prêcher l'obéissance à la charte comme la soumission au roi, faire entendre du haut de la chair des paroles de compassion pour ceux qui souffrent, quel que soit leur pays et leur culte, réchauffer la foi par l'ardeur de la charité. Voilà, selon moi, ce qui pouvait rendre au clergé la puissance légitime qu'il doit obtenir. Par le chemin opposé, sa ruine est certaine. La société ne peut se soutenir qu'en s'appuyant sur l'autel. Mais les ornements de l'autel doivent changer selon les siècles et en raison des progrès de l'esprit humain. Si le sanctuaire de la divinité est beau à l'ombre, il est encore plus beau à la lumière. La croix est l'étendard de la civilisation. Je ne redeviendrai incrédule que quand on m'aura démontré que le christianisme est incompatible avec la liberté. Alors, je cesserai de regarder comme véritable une religion opposée à la dignité de l'homme. Comment pourrais-je le croire émaner du ciel, un culte qui étoufferait les sentiments nobles et généreux, qui rapetisserait les âmes, qui couperait les ailes du génie, qui maudirait les lumières au lieu d'en faire un moyen de plus pour s'élever à l'amour et à la contemplation des œuvres de Dieu. Quelle que fût ma douleur, il faudrait bien reconnaître malgré moi que je me repaissais de chimères. J'approcherais avec horreur de cette tombe où j'avais espéré trouver le repos et non le néant. Mais tel n'est point le caractère de la vraie religion. Le christianisme porte pour moi deux preuves manifestes de sa céleste origine. Par sa morale, il tend à nous délivrer des passions. Par sa politique, il a aboli l'esclavage. C'est donc une religion de liberté, c'est la mienne. En vain, les hommes qui combattent la monarchie constitutionnelle nous disent qu'elle nous mènera au protestantisme, que le protestantisme, à son tour, nous conduira à la République, parce que le protestantisme, qui est l'indépendance en matière de religion, produit le républicanisme, qui est l'indépendance en matière de politique. Cette assertion est repoussée par les faits. L'Allemagne est-elle républicaine parce qu'elle est en partie protestante? Les gouvernements les plus absolus ne se rencontrent-ils pas en Allemagne, tandis que plusieurs cantons de la Suisse sont catholiques? Venise et Gênes n'étaient-elles pas catholiques? La population catholique des États-Unis n'augmente-t-elle pas d'une manière incroyable, sans troubler l'ordre établi? Toutes les nouvelles républiques espagnoles ne sont-elles pas catholiques? Et le clergé de ces républiques, à quelques exceptions près, ne s'est-il pas montré plein de zèle dans la cause de l'indépendance? Il n'est donc pas vrai que la religion protestante soit plus favorable à la cause de la liberté que la religion catholique. Croire que notre liberté ne sera assurée que quand nous serons protestants, espérer que la monarchie absolue reviendrait si l'on rendait au clergé catholique son ancien pouvoir politique, c'est une égale erreur. Les uns, à leur grand étonnement, pourraient voir la France protestante sous telle constitution despotique, empruntée de telle principauté d'Allemagne, et les autres pourraient se réveiller républicains avec un clergé catholique, des moines mendiants et des ordres religieux de toutes les sortes. Laissons donc là les théories pour ce qu'elles valent. En histoire comme en physique, ne prononçons que d'après les faits. Ne calomnions ni les protestants ni les catholiques. N'allons pas supposer que les premiers sont animés d'un esprit révolutionnaire, les seconds abrutis par un esprit de servitude. Renfermons-nous dans cet axiome. Il n'y a point de véritable religion sans liberté, ni de véritable liberté sans religion. La querelle n'est point, après tout, entre les protestants et les catholiques, comme les habiles d'un parti voudraient le faire supposer. Elle est entre le philosophisme et le fanatisme. Deux espèces d'hommes sont aujourd'hui le fléau de la société. D'une part, ce sont ces vieux écoliers de Diderot ou de D'Alembert qui se plaisent encore aux moqueries sur la Bible, aux déclamations de l'athéisme, aux insultes au clergé. De l'autre, ce sont ces esprits bornés et violents qui disent la religion en péril parce que nous avons une charte, parce que les divers cultes chrétiens sont reconnus par l'État et surtout parce que nous jouissons de la liberté de la presse. Les premiers nous ramèneraient les misérables mœurs du siècle de Louis XV ou les persécutions irreligieuses de la fin de ce siècle. Les seconds nous replongeraient dans la crasse et dans l'ignorance du bon vieux temps. Ceux-là extermineraient philosophiquement les prêtres. Ceux-ci brûleraient charitablement les philosophes. Ces impies et ces fanatiques acharnés à se détruire, s'ils étaient les maîtres, ne s'arrêteraient qu'au dernier bourreau et à la dernière victime, faute de pouvoir occuper à la fois le dernier échafaud et le dernier auto-da-fé. Je termine ici cette trop longue préface. Les notes critiques, dont j'ai accompagné le texte de l'essai, achèveront de montrer ce que je pense de cet ouvrage. Je me suis loué, quelquefois, on voudra bien me pardonner cette impartialité, dont je n'ai pas d'ailleurs abusé. La brutalité de ma censure expira la modération de ma louange. J'ose dire que je me suis traité avec une rigueur qui défiera la sévérité de la plus rude critique. Ce ne sont point de ces concessions auxquelles un auteur se résigne pour mettre à l'abri son amour-propre, pour se donner un air de franchise et de bonhomie, pour se glorifier en se rabaissant. Ce sont de ces aveux que la vanité ne fait jamais et qui coûtent à la nature humaine. Si je ne parle point du style de l'essai, c'est qu'il ne m'appartient pas de le juger. Je dirais seulement qu'il est plus incorrect que celui de mes autres ouvrages, qu'il rend avec moins de précision ce qu'il veut exprimer, mais qu'il a la verve de la jeunesse et qu'il renferme tous les germes de ce qu'on a bien voulu traiter avec quelque indulgence dans mes écrits d'un âge plus mûr. Il y a même un progrès sensible des premières pages de l'essai aux dernières. Les 3 ans que je mis à élever cette tour de Babel m'avaient profité comme écrivain. Un dernier mot. Si les préfaces de cette édition complète de mes œuvres tiennent de la nature des mémoires, c'est que je n'ai pu les faire autrement. J'écris vers la fin de ma vie. Le voyageur, prêt à descendre de la montagne, jette malgré lui un regard sur le pays qu'il a traversé et le chemin qu'il a parcouru. D'ailleurs, mes ouvrages, comme je l'ai déjà fait observer, sont les matériaux et les pièces justificatives de mes mémoires. Leur histoire est liée à la mienne, de manière qu'il est presque impossible de l'en séparer. Qu'aurais-je dit dans des préfaces ordinaires ? Que je donnais des éditions revues et corrigées ? On s'en apercevra bien. Aurais-je pris occasion de ces réimpressions particulières pour traiter quelques sujets généraux ? Mais de tels sujets entrent plus naturellement dans des espèces de mémoires qui peuvent parler de tout que dans un morceau d'apparat amené de loin et fait exprès. C'est au lecteur à décider si ces préfaces l'ennuient, elles sont mauvaises, si elles l'intéressent, j'ai bien fait de laisser aller ma plume et mes idées. Fin de la section 1.